Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et on va poursuivre l'émission en prenant de la hauteur. On s'en va dans la haute atmosphère pour prendre des nouvelles du trou de la couche d'ozone. Ce trou se forme chaque année d'août à décembre et vient donc de se refermer. On sait que la couche d'ozone protège la vie sur Terre des effets nocifs des rayons ultraviolets du Soleil. On sait aussi qu'il est causé par les émissions de composés chlorés. À Montréal, en 1989, les pays ont donc signé le protocole de Montréal pour restreindre l'utilisation de ces composés chlorés. Et depuis, le trou de la couche d'ozone est sous étroite surveillance. Alors, quelles en sont les nouvelles et comment s'est comporté ce trou cette année? On a Valérie Levé qui est là pour nous en parler. Oui, alors d'abord, les nouvelles que je vais en donner viennent de l'Organisation météorologique mondiale. Donc, dans un communiqué de cette organisation qui date du 17 décembre dernier, l'organisation dit que le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique a été plus petit en 2012 que les années précédentes. Donc, a priori, on a une bonne nouvelle. Mm-hmm. Mais je profite de cette occasion pour faire un retour, un rappel sur la couche d'ozone et son fameux trou. Oui. Donc, on parle de l'ozone dans la très haute atmosphère, la stratosphère, à plus de 20 km au-dessus de notre tête. Alors, la molécule d'ozone, elle est toute simple. Elle comporte 3 atomes d'oxygène. Donc, dans l'air, il y a le gaz qu'on appelle communément l'oxygène, qui est en fait du dioxygène et qui comporte 2 atomes d'oxygène. Et bien, l'ozone, elle en comporte 3. Alors, comme on peut s'en douter, l'ozone est produit à partir du dioxygène. Donc, là-haut, à plus de 20 km d'altitude, les rayonnements solaires ont encore assez d'énergie pour casser la molécule de dioxygène, en extraire un atome d'oxygène et combiner, bon, c'est un peu raccourci ce que je dis là, et donc former une molécule à 3 atomes d'oxygène, donc de l'ozone. Alors, cette réaction a lieu au-dessus des tropiques, ça n'a pas lieu partout, ça a lieu au-dessus des tropiques. Donc, quand l'ozone se forme au-dessus des tropiques, il est emporté autour de la Terre par les vents dans la stratosphère. Et puis, il y a aussi la réaction qui existe. Donc, l'ozone peut aussi se décomposer sous l'effet de la lumière du soleil et aussi sous l'effet des composés chlorés, bon, entre autres. Et donc, il y a des composés chlorés qui sont émis naturellement dans l'atmosphère. Donc, en fait, il y a une sorte d'équilibre naturel entre l'ozone qui est nouvellement formée et celui qui y est détruit. Mais avec le développement industriel, les humains ont ajouté une nouvelle source de composés chlorés, comme les fameux CFC ou chlorofluorocarbone. Et donc, l'équilibre naturel a été rompu. Donc là, il y a un déficit d'ozone dans la couche. Mais le trou, lui, se forme au-dessus de l'Antarctique. Il y en a aussi au-dessus de l'Arctique. Alors, pourquoi, en fait, au-dessus des pôles? Oui. Alors, en fait, même dans l'équilibre naturel, il y a des amincissements dans la couche d'ozone selon les saisons. Mais les CFC, et composés chlorés, là, donc je veux dire les CFC pour simplifier, auraient largement amplifié le phénomène. Donc je parle d'amincissement parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un trou qui traverse la couche de part en part. Uh-huh. En fait, il s'agit plutôt d'un creux. Donc la couche d'ozone devient plus mince au pôle qu'ailleurs et ce creux est plus ou moins profond, plus ou moins large selon la saison ou selon les années. Donc maintenant, pourquoi les pôles? C'est à cause du froid, de la nuit polaire et du vortex polaire. Alors ça mérite quelques explications. Donc d'abord le froid extrême et la nuit polaire. Donc dans ces conditions, il se forme des nuages stratosphériques, donc très hauts, des espèces de nuages nacrés. Et c'est le siège de la réaction qui détruisent l'ozone. Mais comme il faut l'énergie du soleil pour cette réaction, tant que c'est l'hiver, l'ozone n'est pas détruit. Et au printemps, quand le soleil revient, la destruction commence. Le problème, c'est que cette destruction n'est pas compensée par de l'ozone fraîchement fabriqué qui viendrait des tropiques à cause du vortex polaire. Donc, le vortex polaire, ça, c'est une sorte de dépression autour de l'Antarctique, une sorte de tourbillon qui isole l'air antarctique du reste de l'atmosphère. Donc, l'ozone qui est fabriqué au-dessus des tropiques ne peut plus arriver en Antarctique pour remplacer l'ozone qui a été détruit. Donc, c'est comme ça qu'il y a un déficit et que la couche d'ozone s'amincit. Et puis, à la fin du printemps, donc là, quand je dis printemps, en fait, il faut penser qu'on est dans l'hémisphère austral. Donc, c'est notre automne à nous. Donc, à la fin du printemps, la circulation atmosphérique change, le vortex se calme et l'ozone formé au-dessus des tropiques revient en Antarctique, remplit le trou et donc le trou se referme. Donc, comme je disais, on parle de l'Antarctique. Donc, là-bas, le printemps austral, c'est notre automne. Donc, maintenant, le trou qui s'est formé, septembre, octobre, novembre, là, il s'est refermé et le creux est rempli à nouveau. Mais c'est bien comme ça parce que vaut mieux que le trou se referme en été là-bas. Pendant le temps, au moment où les êtres vivants sont exposés à la lumière du soleil, parce que en hiver, il n'y a pas de soleil à l'Antarctique. Là. Oui, c'est vrai. Ben, c'est fait. Ouais. Donc, d'après l'Organisation météorologique mondiale, cette année, le trou d'ozone était moins grand. Oui, c'est ça. En fait, il était à la fois moins étendu et moins profond. Mm-hmm. Donc, chaque année, le trou atteint sa superficie maximale en septembre et sa profondeur maximale en octobre. Et cet été, le trou, il était sous surveillance. Il s'est ouvert plus lentement que les autres années. En août, là, quand il s'est ouvert, ça s'est passé plus lentement que les autres années. Ensuite, il a rattrapé son retard et a suivi la même évolution qu'en 2011 ou les années précédentes. Et à partir du début octobre, le trou a rapidement diminué, donc il a commencé à se re-remplir, de sorte que le 10 novembre, il était refermé, ce qui est beaucoup plus tôt que les autres années. Et d'après l'Organisation météorologique mondiale, il y a deux raisons à ça. D'abord, cet été, il a fait chaud dans la stratosphère. Donc ça a limité la formation de ces nuages nacrés qui sont dans la stratosphère. Or, ces nuages, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le siège de la réaction chimique qui conduit à la dégradation de l'ozone. Donc, s'il y a moins de nuages, il y a moins de dégradation d'ozone. Et la deuxième raison, c'est que le vortex polaire, cet été, a été perturbé. Ça a brassé l'air et ça n'a pas produit l'effet d'isolement de l'Antarctique comme les autres années. Donc, finalement, ça a continué à brasser de l'air. Il y a des masses d'air venant du nord. Là, on est en Antarctique, donc les tropiques sont au nord. Tropiques sont au nord. Donc, il y a des masses d'air du nord qui sont arrivées, qui ont amené de l'ozone et qui s'est donc mélangé avec l'air polaire. Donc, ça a permis de remplir le trou plus rapidement. Mais est-ce que ça pourrait pas être aussi le résultat du protocole de Montréal? Ben ça, c'est pas évident. Donc, ce protocole, il a été mis en place depuis bientôt 25 ans et il interdit l'utilisation de substances chimiques comme les CFC qui détruisent l'ozone. Donc, tous les pays ne sont pas soumis à la même interdiction, mais disons qu'il y a quand même moins de CFC envoyés dans l'atmosphère. Le problème, c'est que tous les CFC émis n'ont pas encore atteint la haute atmosphère. Donc, avant d'avoir un effet vraiment positif du protocole de Montréal, va falloir attendre encore que le CFC émis actuellement fasse son effet. C'est un peu comme pour les CO2. Même si on arrête d'émettre du CO2 là, maintenant, le CO2 qui est présent dans l'atmosphère actuellement, il ne va pas disparaître du jour au lendemain et il y a assez de CO2 dans l'atmosphère pour faire augmenter les températures. Ouais. Donc, c'est un peu pareil avec les CFC. Même si les quantités émises sont moindres, celui qui a été émis auparavant, il est encore en train de monter là-haut. Donc, il va encore faire son effet négatif, destructeur, pendant encore quelques décennies. L'effet n'est pas immédiat. Là. C'est ça, exactement. Depuis 10 ans, les concentrations d'ozone dans la stratosphère au-dessus des pôles ont cessé de diminuer, mais elles n'ont pas commencé à réaugmenter pour retrouver les niveaux d'avant 1980. Donc, on a arrêté un petit peu le mal, mais on n'a pas restauré les conditions initiales. Donc, il faudra attendre encore quelques années pour reconstituer la couche d'ozone. Alors, est-ce que le moindre trou de la couche d'ozone qui a été observé cet été, cette année en tout cas, cet automne, est dû au protocole de Montréal ou à des conditions météorologiques particulières de cette année? Là, c'est là que c'est difficile à répondre. Et d'ailleurs, l'OMM ne se prononçait pas là-dessus non plus. Effectivement, c'est un processus à long terme et on ne peut pas prendre les observations d'une seule année seulement pour conclure en fait une évolution à long terme. Alors merci beaucoup Valérie, on va faire une courte pause musicale et on revient tout de suite après.